Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles et c'est parti pour l'aventure. Je suis fatigué. Torture, sadomasochisme, pillage, tradition, cicatrisation. Je ne parle pas d'une énième prise d'otage par les triades à Hong Kong monopolisant le triangle d'or pour le trafic d'opium, mais bel et bien de tatouages, ou l'art sur la peau de cochon pour les professionnels en formation. Pour les somnolents du siècle dernier, un tatouage est un dessin décoratif ou symbolique permanent effectué sur la peau, dont la pratique est attestée dans la société humaine depuis le néolithique. À l'origine, il était le plus souvent effectué avec de l'encre de Chine ou des encres à base de charbon ou de suif. La technique du tatouage consiste à injecter de l'encre sous la peau entre le derme et l'épiderme, c'est-à-dire entre la première et la deuxième couche de la peau. Cette douleur acceptable est infligée depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier par des gens plus ou moins délicats. Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Dans plusieurs civilisations, il est même considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif comme chez les Polynésiens, les Maoris ou les Japonais des temps anciens. Le premier homme tatoué connu à ce jour a 5300 ans. S'il était encore en vie, il aurait devancé les scientifiques en affirmant que ses tatouages avaient un but curatif puisqu'ils étaient situés sur les articulations des genoux et des coudes. En ces temps anciens, le tatouage était plutôt synonyme d'identité, d'appartenance à un groupe social ou de protection des dieux. Il était réservé aux personnes importantes comme les chefs de tribu ou les rois. Il a été aussi très rapidement utilisé pour marquer les esclaves à Rome où on tatouait les criminels et les gladiateurs. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Après avoir presque disparu, le tatouage revient aux alentours du XVIIIe siècle, au moment des grandes expéditions par la redécouverte de l'ornement polynésien. Chez les marins, le tatouage représente une histoire, une aventure vécue, une personne rencontrée. Puis, le tatouage redevient un art marginal. On le retrouve sur les prisonniers, les anciens esclaves et les péripatéticiennes. En Angleterre, les hommes et les femmes tatouées sont présentés comme des bêtes de foire lors des fameux freak shows au 19e et 20e siècle. La pratique commence à se démocratiser réellement dans les années 70 avec les générations punk et les bikers. La question qui tue dans toutes les familles de France et de Navarre, voire du monde entier. Pourquoi, bon Dieu de bonsoir, nos enfants veulent se faire tatouer? Et comment les en empêcher? Arrêtez, qu'on vous chasse! Oh, ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. C'est une ligne rouge, une de celles qu'ils ne doivent franchir sous aucun prétexte tant qu'ils sont dépendants des parents, et même lorsqu'ils ont leur vie loin de la maison. C'est une ligne rouge qui n'en est plus une, remplacée par des lignes noires tracées sur la peau jusqu'à la fin de leur jour, faites à la dérobée et qu'ils n'ont pu nous cacher bien longtemps. Pour la génération de mes parents, le tatouage, souvent associé au piercing, était la marque de reconnaissance du rebelle, celui qui fume et qui boit des bières en les décapsulant avec un briquet. Je tiens à préciser d'avance qu'il est absolument pas nécessaire, voire contre-productif, d'enfermer votre enfant dans une cave durant 24 ans, dès l'Autrichienne Elisabeth Fritzl qui a subi des actes très tragiques. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Mais revenons à notre sujet. Les jeunes de 18 à 35 ans seraient les plus nombreux à se faire ancrer. On est loin de l'image du vieux biker qui a fait la guerre ou du rocker qui a vécu Woodstock en direct. La question est, pourquoi? De quoi la folie du tatouage est-elle le nom? Chez les jeunes adultes, il a sûrement la volonté de braver les interdits parentaux, mais aussi le désir de se conformer à ce qui devient une nouvelle norme sociale, véhiculée avec force sur les réseaux sociaux et anciennement Woodstock comme Jimi Hendrix qui est mort dans son vomi. Et si cet engouement avait des causes plus profondes ? Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie Magazine, on prend ce qu'on prend, a ainsi proposé il y a quelques années dans son mensuel une lecture intéressante de cet art de l'irréversible. Dans un monde volatile, au rythme trépidant et subi, le tatouage incarnerait une forme de résistance et de réconfort par son immuabilité. Il tient aussi longtemps que l'être humain, rappelle-t-il. Il est une manière aussi de combler le vide de la peau, et le vide que laisse le temps qui passe sans être maîtrisé. Le tatouage, c'est la continuité, la volonté de rester en accord avec soi-même, malgré les bouleversements de la vie. Pour les psys, c'est davantage une façon de signer son corps, de revendiquer une identité, une mise en récit de soi. Le rôle des parents est alors de faire attendre de manière militaire et obligatoire la majorité à l'enfant pour qu'il se fasse tatouer. Pour ma part, je suis pour le tatouage, car j'en ai moi-même 3, dont un grand au mollet. Mais c'est un nom de nom pour les mineurs, surtout qu'ils ne réfléchissent pas assez longtemps aux motifs qui se noircissent. Et on se retrouve avec des signes de l'infini, des carpe diem ou des petites étoiles sur le poignet. Donc le tatouage pour les mineurs, c'est un nom de grand nom. Le potentiel danger est quant à lui souvent moins efficace pour dissuader. Oui, les allergies, oui, la peau rougie, oui, ceci, oui, cela, ça marche pas. Au sein des familles où des tensions ont de tout temps existé à l'égard de l'habillement, du maquillage, du poids ou de la coiffure, le tatouage, de par son caractère indélébile, cristallise aujourd'hui les inquiétudes de nombre de parents. Peur qu'ils en conçoivent à terme des regrets, qu'ils soient discriminés à l'embauche, peur du qu'en dira-t-on, du regard des amis, des voisins, et des papis et des mamies. Mais ça me bat les couilles ! De là provient sans doute la fracture générationnelle. Les publics âgés, aujourd'hui nettement moins tatoués, ont vraisemblablement été plus épargnés par ces logiques. Ces logiques d'identification et ces logiques de matraquage des réseaux sociaux. En effet, il est possible de débattre sur de nombreuses caractéristiques et conséquences du tatouage, son caractère permanent, l'usure tant des motifs que des traits, les difficultés qu'il peut poser pour trouver un emploi, les risques liés aux produits cancérigènes ou allergisants contenus dans les encres, voire même le prix du tatouage en lui-même. De là découlent des discussions riches sur ce que peuvent être, pour l'une et l'autre génération, des manières authentiques d'être à soi ou sur des attitudes et précautions à adopter pour s'affranchir des situations de rivalité dans lesquelles nous plongent notamment les réseaux sociaux, le cancer du 21e siècle. Pour les parents réfractaires qui veulent avoir encore de l'emprise sur leur progéniture, la voie que je suggère est résolument celle du dialogue, c'est-à-dire la voie la moins empruntée. Il s'agit d'encourager le jeune, l'étudiant, le jeune actif, le quadragénaire à discerner et à exprimer les besoins qui le motivent et soi-même d'être prêt à les entendre. Ce débat débordera sans doute des sujets du seul tatouage. Effacez votre sourire tous là, je vous dis tout de suite, moi je suis pas votre pote là, je sais pas pour qui vous me prenez, je suis pas un clown moi d'accord ? Je vais pas ici à le musée de la galerie, on est d'accord ou pas ? Vers des thématiques comme l'estime de soi, le rapport aux normes, la réconciliation avec son corps, l'appartenance à un groupe, le désir d'être validé, admiré, et les facteurs qui poussent à la compétition. Gageons qu'il ne suffira pas d'une seule discussion. Le chemin envisagé ici n'est donc pas le plus simple. Néanmoins, il a le mérite d'engager parents et enfants dans un échange véritable, tandis que des discussions sur le caractère esthétique ou socialement pénalisant du tatouage aboutissent souvent à des points de vue générationnels inamovibles, chacun évoluant dans son propre système de référence. Pour vous parler de mon expérience professionnelle, le plus simple est de ne pas en parler. Le plus simple est de faire le tatouage dans son coin et d'arriver devant ses parents et de dire « voilà magie ». Notamment, petite anecdote, ma mère ne voulait absolument pas qu'on se tatoue les avant-bras. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais ce serait pour l'embauche, parce que, voilà, les manches courtes, on voit le tatouage. Le premier tatouage que j'ai fait, vous le devinez, est à l'avant-bras. Et oui, je suis un gros farceur. Un débat sous-jacent à la problématique du tatouage chez les jeunes se pose, en effet, dans ces termes. Un parent, en formulant une interdiction, a-t-il le droit moral d'opérer une sorte de contrôle sur le corps de son enfant ? Où s'arrête la responsabilité et où commence l'ingérence, voire la violation de l'intimité ? Logiquement, j'ai envie de dire la majorité. De telles interdictions ne sont pas à prendre à la légère, quand bien même elles découlent des meilleures intentions. Elles peuvent, de fait, se déboucher sur des blessures ou des violents conflits. Chacun le sait, il y a souvent un gouffre entre la théorie et la pratique. Si cette analyse tend globalement à présenter la recherche d'authenticité à travers le tatouage comme un leurre, n'excluons pas qu'elle puisse néanmoins constituer un vecteur de mieux-être. Des exemples évidents en sont les tatouages de deuil. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Ce qui recouvre des cicatrices ou des tatouages de point-virgule, adoptés par des personnes souffrant de troubles dépressifs ou suicidaires. Tout en encourageant une réflexion approfondie sur les mécanismes psychologiques en jeu dans le phénomène du tatouage, nous sommes prêts à admettre que la version la plus authentique de certaines personnes puisse être ornée de dessins épidermiques, et nous encourageons les parents à adopter le même point de vue s'ils en viennent à entreprendre cette discussion. L'honnêteté voudra en effet que quiconque s'engage dans un débat soit disposé à être convaincu par son vis-à-vis. Or, gageons que les jeunes ont eux aussi des arguments en poche. Maintenant que personne n'empêche personne de faire ce qu'il a envie dans sa vie, tant qu'il assume les conséquences de ses actes, donc l'inverse des chers parents en costard, quelques conseils avant de sauter le pas. On se donne le temps de la réflexion. Pour ne pas avoir à regretter le tatouage au bout de quelques années, prenez le temps. Pour ma part, entre le moment où je voulais me faire tatouer et le moment où je me suis fait tatouer à Borderline Tour par Clémentine, ne la cherchez plus, elle est à Reims, Il s'est passé 6 ans. 6 ans entre le moment où je voulais me faire tatouer et le moment où je me suis fait tatouer, le 4 juillet 2023. Après ça, en 9 mois, j'en ai fait deux de plus. Le 13 janvier 2024 et le 13 avril 2024. Bien choisir son tatoueur. Il est important de créer une relation de confiance avec le tatoueur et ne pas aller dans le premier salon venu parce que on a envie de se faire tatouer. C'est complètement con. Ce dernier doit pouvoir vous rassurer et être à l'écoute de vos envies, tout en vous aiguillant sur la faisabilité de votre projet. En effet, un bon tatoueur vous dira qu'un tatouage sur la main, c'est con. Et ça s'efface beaucoup avec le temps. Ciblez les tatoueurs en fonction de vos attentes et du type de tatouage que vous souhaitez réaliser. Si vous souhaitez un tatouage réaliste, n'allez pas vers des tatoueurs minimalistes ou des tatoueurs qui font des fleurs. Par exemple, si vous avez besoin d'être rassuré avant la séance fatale, trouvez un tatoueur qui vous montre le modèle plusieurs jours avant. Si vous voulez un style en particulier, allez sur Instagram, sur Pinterest et trouvez le tatoueur qu'il vous faut en fonction de vos envies. C'est comme ça que moi-même j'ai fait. J'ai trouvé ma tatoueuse sur Instagram, j'ai dit son style est sympa, ses traits sont cool. Je l'ai contacté, on a échangé plusieurs mois avant le tatouage, elle m'a montré le modèle avant. Attention, la plupart des tatoueurs ne font pas ça et vous montrent le modèle le jour J. C'est un parti pris, mais chacun a ses raisons de le faire. De plus, choisir un motif de tatouage qui reflète qui vous êtes et ce que vous aimez. Voici la patate des mers la plus chill du monde qui lâche des pets pour nager, plus connue sous le nom de lamantin. Cela peut être quelque chose qui a une signification personnelle ou qui représente un aspect important de votre vie. Le fou que je suis a fait dessiner une phrase philosophique. J'ai pris une phrase du grand Arthur Schopenhauer et j'ai dit à la tatoueuse « Fais-moi un dessin ». Elle m'a fait un dessin, le dessin m'a plu et j'ai le dessin sur mon corps, à l'avant-bras comme vous vous en doutez. Votre rapport à la douleur, enfin, est le dernier critère à prendre en compte. Cela ne fait pas si mal, mais si vous êtes atteint de bélénophobie et que les aiguilles vous font tomber dans les pommes, ne franchissez pas la porte. Si vous êtes prêt, les côtes, les parties intimes et toutes les zones avec beaucoup de nerfs ne sont pas sans souffrance. L'extérieur des bras, à l'inverse, est une croisière sans mal de mer. Je parle des parties intimes puisqu'il y a des tatoueurs, notamment un cousin, qui est spécialiste notamment des parties intimes et ça fait très très mal. Et moi-même ayant aussi un tatouage au mollet, je vous assure que c'est pas une partie de plaisir d'avoir des spasmes toutes les 10 secondes parce que, oulala, il y a des nerfs. Et petite anecdote, une fois de plus, on était vers la fin du tatouage et le tatoueur me dit « Bon, Théo, on arrive au blanc, c'est bientôt fini. » Moi, je me dis « Ah, c'est bien, j'ai passé 5h30 sur la table, enfin la fin. » Il me montre l'aiguille du blanc, qui est deux fois plus grande que l'aiguille du noir, et qui va beaucoup plus profondément dans la peau. Là, j'ai souffert. J'ai passé 30 minutes à souffrir. Mais au final, c'est pour un magnifique tatouage, donc je n'en veux à personne. Faisons ce que l'on veut de nos corps. Tatouons-nous, perçons-nous, arrachons-nous les ongles, soyons couverts de nus tant que l'on aborde le sourire. La singularité que j'incarne à merveille et le sourire que j'efface par peur d'avoir mal aux zygomatiques m'oblige à vous annoncer en avance que je vous crierai en douceur le pourquoi du comment de l'amour au sens physique de celui-ci. C'était Théo Xérès le Furteur, à la revoyure les amigos.